Bonjour à tous. Aujourd'hui, velouté de patates douces, chantilly, chèvre frais pour 4 personnes, 2 oignons jaunes émincés, une gousse d'ail écrasée, 700 g de patates douces, 1 demi-litre de bouillon de volaille, du poivre du moulin, du sel, 15 cl de crème entière, 10 cl d'huile d'olive. Pour la chantilly de chèvre, 250 g de chèvre frais, plus 10 cl de crème entière, plus 12 tranches de pain grillé de la baguette. Faire suer à l'huile d'olive les oignons et l'ail, ajouter les patates coupées en dés, mouiller au fond blanc, assaisonner, cuisson douce 25 minutes. Mixer finement le tout, crémer, mettre au point et réserver au chaud. Préparer la crème, fouetter la crème, plus chèvre, assaisonner, réserver au frais. Verser la soupe chaude dans 3 bols, plus 3 tranches de pain tartinées avec la chantilly de chèvre. Vin conseillé, un côte du Tarn blanc à boire avec modération.